à Sita. Pour l'écouter, 89.1. C'est fou.ca. Cette semaine, au Mathieu Plante Show. Dans Television, Netflix et CBC préparent une adaptation de Anne la Maison au Pignon Vert. Je vais rester à refaire le vent dans les saules et les contes d'Avonlea. Je vais revivre les moments les plus plates de ma vie. Dans Segment Geek, Eric, le Japon veut fabriquer les médailles avec les déchets électroniques. Demandez à Ryan Lochte, il a déjà été médaillé olympique et boire et japonais dans sa vie. En tout cas, un des trois. Et dans Merci Science, un implant pour améliorer la mémoire. On m'a fait plein de choses tout de suite. Hein? Et voici celui qui porte tellement d'implants qu'on l'appelle Mathieu Implante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 22 août 2016, et comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologies, médecine, merci science, le segment geek CNX. On va probablement devoir écouter pas mal de musique aujourd'hui ou faire d'autres choses que je n'annonce pas au début de l'émission, au cas où ça n'avait pas lieu. Pour commencer, par contre, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et la première pièce est par Panda Burr. Panda Burr. Voici une pièce qui s'appelle Von Heidi Her Self Flushing. Hein? Tu sais, quand je sors mon allemand, là? Panda Burr, tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. 89 FM. Von Heidi Her, Sir Flushing par Panda Burr sur son futur Maxi Pixel Panda. On met un plan de show maintenant. Et bien, c'est Television. Television. Cuisine, c'est la chronique dans laquelle on parle des nouvelles télévisuelles de la semaine qui vient de se terminer des 7 derniers jours. Là, alors, on commence habituellement par le Québec, mais il se passe absolument rien d'intéressant. Là. Tout ce qu'il y a, c'est des affaires de Unité 9, des trucs que vous avez lus dans d'autres médias. Donc, commençons par le Canada anglais avec le retour de Anne, la maison au pignon vert. Netflix a uni ses forces avec le télédiffuseur public canadien CBC afin de développer une prochaine adaptation du roman Anne of Green Gables. Le projet de Miranda de Pensier pour Northwood Entertainment a reçu le feu vert par la CBC en janvier et sera diffusé l'an prochain. Netflix a acheté les droits mondiaux en dehors du Canada. La série, intitulée simplement Anne, sera centrée sur une jeune fille orpheline en 1890 qui, malgré une enfance difficile, ne perd jamais espoir. Elle réussit non seulement à se faire accepter par une communauté qui a des préjugés contre elle en raison de son état d'orpheline, mais aussi à se faire admirer pour son intelligence, sa générosité d'esprit et surtout sa joie de vivre. Le tournage de 8 épisodes doit commencer ce printemps et les producteurs espèrent présenter le produit final à la télé au début de l'année 2017, 30 ans après la présentation de la mini-série Anne, la maison au pignon vert. Moira Wally Beckett réalisera le projet avec ses collègues canadiennes Miranda de Pensier, qu'on connaît pour Thanks for Sharing et Beginners, Alison Owen de Suffragette et Temple Grandin, et Deborah Haywaits de Pride and Prejudice et Les Misérables. La série sera basée sur le roman du même nom écrit par Lucy Maud Montgomery en 1908. Nikki Caro, qu'on connaît pour Mercy Peak, L'affaire Josie Ames et Pie, va réaliser le premier épisode de 2 heures. Donc le retour de Anne, la maison pignon vert. Maintenant, pour A Midsummer's Nightmare, Lifetime met à jour William Shakespeare. On va aux États-Unis, bien sûr. Lifetime a commandé un pilote pour une série d'anthologie qui transformera l'œuvre de William Shakespeare en un drame des temps modernes avec A Midsummer's Nightmare. Donc, c'est une nouvelle série de la chaîne Lifetime qui s'inspire de la comédie de William Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. La série sera produite par A&E Studios, qu'on connaît en ce moment pour Unreal, ou Réellement. Il racontera l'histoire de 4 jeunes amants qui disparaissent dans les bois à la poursuite de leur désir romantique. Mais les choses tournent au vinaigre quand des forces terrifiantes les ciblent. Jeff Quatinet de Royal Pains, ça c'est Traitement Royal en français, et Josh Berry de Salem seront producteurs délégués pour The Firm aux côtés de Anthony Jeswinski de The Shallows qui va écrire le pilote. Songe d'une nuit d'été, le second pilote commandé par la chaîne après avoir donné le feu vert à Sea Change qui est présentement en post-production. Le songe d'une nuit d'été est une comédie de William Shakespeare écrite entre 1594 et 1595. La première inscription de la pièce au registre des libraires date du 8 octobre 1600. C'est une histoire complexe dont l'action se déroule en Grèce et réunit pour mieux les désunir deux couples de jeunes amants, Lysandre et Hermia d'une part, Démétrius et Héléna d'autre part. Hermia veut épouser Lysandre, mais son père Égée la destine à Démétrius, dont est amoureuse Héléna. Lysandre et Hermia s'enfuient dans la forêt, poursuivis par Démétrius, lui-même poursuivi par Héléna. Pendant ce temps, Oberon, roi des elfes, a ordonné à Puck de verser une potion sur les paupières de sa femme, Titania. Il entre dans la forêt avec Puck. Pendant la nuit, la confusion règne. Waouh, toute une histoire, ça. Ça a l'air incroyable. Donc, Midsummer Night's Dream s'en vient à bientôt. Toujours aux États-Unis, Fox a choisi un nouveau jeu télévisé basé sur l'application Shazam de la part de Mark Burnett. Donc, Fox a choisi l'émission Beat Shazam, un nouveau quiz interactif musical basé sur l'application Shazam du producteur exécutif de La Voix, The Voice, Mark Burnett. C'est le créateur aussi de Don't Forget the Lyrics, qu'on appelait ici, on connaît la chanson. Donc, le créateur Jeff Apoloff et Shazam Entertainment Limited. La série a été annoncée par la chair du Fox TV Group, Dana Walden, au TCA. Donc, la compétition va suivre des équipes qui vont essayer d'identifier une chanson, selon le président de Fox Entertainment, David Madden. L'équipe gagnante va ensuite compétitionner avec Shazam, donc contre Shazam, pour gagner le grand prix. Il n'y a pas encore de date de lancement prévue. L'application Shazam pour Mac, PC et téléphone intelligent, bien sûr, est connue pour son identification de chansons. Et maintenant, on peut identifier aussi des films, des publicités, des émissions de télé et des produits. Avec Shazam, vous avez peut-être même vu dans l'allée des pains tranchés qu'on pouvait balayer Shazam sur le sur la pancarte du pain tranché. Je trouve ça un petit peu loin, mais bon. Shazam Entertainment Limited a été fondé en 1999. Waouh! Pour vrai? Incroyable. Par Chris Barton, Philip Engelbracht, Avery Wang et Dheeraj Mukherjee. Burnett a aussi une émission de télé réalité estivale qui s'appelle Couple en ce moment sur Fox. Ensuite, Turner va tester des publicités avec un décompte à l'écran. Le décompte des secondes avant que l'émission recommence. Un peu comme ici au Québec, on a un décompte pendant le générique d'une émission avant que la prochaine émission commence, pendant le téléjournal, pendant à peu près toutes les émissions, même qu'il y a Ménage à 3 que ça s'appelle, où les réseaux ont tous leur publicité en même temps pour pas que les gens puissent choisir une autre émission. C'est quand même assez spécial comme système au Québec. Mais l'émission Animal Kingdom sur TNT, elle va avoir un décompte qui va faire partie des efforts de la chaîne pour réduire Il appelle ça le ad clutter, donc le trop de publicité, si on veut. On dit que les téléspectateurs détestent les publicités et maintenant Turner Broadcasting, espérant empêcher les gens de changer de poste, prend une page donc des vidéos en ligne avec le test d'horloge qui montre exactement le temps qui reste dans chaque pause publicitaire. Le drame criminel Animal Kingdom cet été inclut donc un décompte en bas de l'écran à télé en direct et sur le vidéo sur demande et sur les stations affiliées à des chaînes payantes. Lorsqu'il reste 60 secondes dans un bloc publicitaire, c'est là que le décompte commence. D'autres émissions de télé comme Today sur NBC et Good Morning America sur ABC ont utilisé des décomptes similaires, mais l'implantation de Turner Broadcasting est une première pour la télévision en prime time aux États-Unis. Donna Spechial, présidente de Turner Ad Sales, dit que le décompte dans Animal Kingdom fait partie de leur initiative pour tester un nombre réduit de publicités avec des annonces vendues plus chères. Donc l'émission est la première série sur TNT avec 50% moins de pubs. Les diffusions de 1 heure donc ont seulement entre 8 et 10 minutes de publicité versus la moyenne de 15 à 20 minutes dans les émissions habituellement sur le câble. Le câble non payant, le câble payant des fois ça peut être 55 minutes d'émission, même des fois 1 heure complète sur des choses comme HBO. Mais là on parle du câble... il n'est pas payant parce qu'il est gratuit, mais le câble, le basic cable, qu'on appelle le câble de base. Donc, True TV, une autre chaîne de Turner, va lancer ses émissions en prime time pendant le quatrième quart de 2016 avec lui aussi moins de publicité par émission, entre autres dans Impractical Jokers, qui est un petit peu comme ce qu'on appelle ici les Jokers, et Billy on the Street, qui est une émission dans la rue, on pose des questions à des gens, un genre de quiz cheap, mais qui est quand même drôle. Bref, ces décomptes-là font partie de nouvel essai. Voilà pour les chaînes de Turner. Allez voir le reste de l'article qui décrit vraiment les chiffres et le pourcentage de gens qui skippent les pubs sur Internet. Ça sur assemblagerequis.com. L'article est en anglais, ça me tente moins de le traduire au complet. Ensuite, Bud Light. Revient un petit peu dans les années 90 pendant l'émission Mr. Robot sur USA. Une publicité rétro pendant le plus récent épisode de la série à énorme succès Mr. Robot. Donc, épisode de cette semaine de ce drame acclamé par la critique et par les téléspectateurs ouvrait avec une séquence fantastique qui rendait hommage au sitcom des années 80 et 90. La nostalgie continuait pendant la première pause publicitaire de l'épisode avec des publicités qui ramenaient un peu dans le passé. Entre autres, une publicité de Bud Light de 1990, Everything Else is Just a Light. Tout le reste n'est qu'une lumière. Ça faisait partie de leur campagne qui éventuellement les a aidés à détrôner Miller Light en tant que bière légère la plus vendue aux États-Unis. Cette publicité rétro-là a été créée par DDM Needham Worldwide, qu'on connaît aussi sous le nom de DDB Worldwide. Vous pouvez aller voir la publicité sur assemblagerequis.com. Ils ont aussi créé une publicité pour E-Corp. C'est un conglomérat multinational fictif dans l'émission Mr. Robot, qui est une cible d'un groupe de hackers F-Society dans la série, qui ressemblait à des vieilles publicités de AOL, America Online. Il y a aussi une publicité promo créée pour USA Network pour leur film d'horreur fictif The Careful Massacre of the Bourgeoisie, qui est passé dans un précédent épisode de Mr. Robot. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup envie d'écouter ces deux publicités-là. Donc commençons par la première sur le bar ici. The internet is where it's at. C'est là que les choses se passent. And with E-Corp Online, et avec E-Corp Online, le World Wide Web est meilleur que jamais. News, sports, les nouvelles, les sports, shopping, le magasinage, email and instant messaging, et la messagerie instantanée. Tout ça sur votre ordinateur. Vous pouvez même partager des photos avec amis et famille. Avec notre nouvelle connexion 28K, vous permet d'aller en ligne en seulement quelques minutes. Chaque jour, de plus en plus d'Américains choisissent E-Corp Online. E-Corp Online. Le futur est à un clic. Hey, c'est pas pire, j'aime ça, c'est super bon. La qualité d'image est vraiment trop belle pour les années 80-90, mais bon, dans le présent, ils ont mis un petit filtre VHS. On écoute la deuxième. Tonight on USA's ce soir sur USA, Up All Night, debout toute la nuit. Grab your popcorn. Prenez votre popcorn. It's the careful massacre of the c'est le massacre de la bourgeoisie. It all begins tonight. Tout ça commence ce soir à 23h sur USA Network. Wow. J'adore ça, c'est super bien fait. Félicitations à ces gens-là qui ont fait ces publicités-là. C'était donc... quelle compagnie c'était ça? C'était... Oh, bah, je l'avais tantôt. Oh non, je le cherche. Ah, en tout cas, peu importe. Toujours en Télévision Télévision, continuons avec un autre petit bloc de nouvelles. Continuons aux États-Unis, en fait, avec... Blackmail, NBC qui développe une série produite par Aaron Paul. Le réseau américain développe une nouvelle série dramatique Blackmail, une création de Aaron Paul, l'acteur vedette de Breaking Bad, le chimiste. Aaron Paul a vendu un script pour une série dramatique d'une heure au réseau et est attaché à la production. Le drame suit un jeune couple marié qui souffre d'un accident qui a bouleversé leur vie et qui décide de retrouver l'homme responsable de leur déboire en menaçant de révéler son infidélité à sa fiancée. Mais quand les choses se révèlent être plus sinistres que le couple pensait à l'origine, un jeu sombre de chat et de souris les met sur le chemin de savoir ce que cela signifie d'être un vrai couple puissant. sur l'article traduit comme toujours à la va-vite par tvqc.com. Brothers Thomas et j'imagine que ça veut dire les frères Thomas et John Sontag vont écrire le projet et le produire avec Aaron Paul. L'acteur produira via sa société de production Lucid Road en association avec Universal Television. La star est également producteur exécutif sur la comédie d'animation de Netflix BoJack Horseman, dans lequel il joue un personnage. Aaron Paul est principalement connu pour son rôle de Jesse Pinkman dans Le Chimiste et pour le rôle de Toby Marshall dans le film Need for Speed en 2014. Tiens, maintenant, une nouvelle entente a été signée pour ramener Chris Hansen à la télévision. Il a signé pour devenir le nouvel animateur de la saison 2 de Crime Watch Daily, qui va être renommé en Crime Watch Daily with Chris Hansen. On avait parlé de cette nouvelle-là il y a quelques mois de ça, où on avait parlé en fait de la série sur Kickstarter, donc une production qui existe depuis quelques mois quand même. On a commencé à filmer les épisodes de Hansen vs. Predator. Vous connaissez peut-être, je sais pas si c'était à JE ou quelque chose comme ça, où on cachait des caméras dans une maison et on amenait par des pièges un petit peu à un présumé futur violeur potentiel d'enfants. On les amenait dans une maison et puis là, on les prenait en flagrant délit. Bon, c'est Chris Hansen qui avait amené cette idée-là pour la première fois, sans aucun flou. Là. À TVA, je me rappelle qu'on avait flouté les faces des gens, là. Mais aux États-Unis, on voyait vraiment les gens qui étaient là pour aller faire des choses avec un enfant, garçon, fille de 12, 13, 14 ans. Bref, ça a eu beaucoup de succès, ça s'appelait To Catch a Predator. Et bien là, NBC l'a renvoyé quand ils ont découvert qu'il avait trompé sa femme. Quelque chose de vraiment comme ridicule que tout le monde dans le domaine de la télé fait de toute façon. Mais lui, c'était apparemment bien, bien bizarre parce qu'il y avait une émission où il pognait des gens en train de faire des actes incorrects et lui-même était incorrect, donc on le sacrait dehors. Bref, il est venu sur Kickstarter. Oh, excuse-moi, pas il est venu. Il est arrivé chez Kickstarter pour redémarrer sa série sous le titre de Hansen vs. Predator. Et maintenant qu'il a signé avec Crime Watch Daily, ben, sa série va être présentée là en exclusivité. Il était supposé magasiner l'émission à différents réseaux, différentes chaînes, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a signé pour animer cette émission-là. Donc les fans maintenant sont un petit peu fâchés parce qu'ils ont donné de l'argent sur Kickstarter pour qu'ils puissent la magasiner à des chaînes, t'sais. Bref, il a réussi à ramasser son argent et en masse sur Kickstarter. Et puis maintenant, il va amener ça en forme de capsule. Ils ont fait 10 arrestations en octobre dernier à Fairfield, en Connecticut. Hansen, donc, a dit que l'émission... Pardonnez-moi, que l'émission allait commencer en ligne et ensuite être magasinée. Finalement, il n'y aura pas de version en ligne pour l'instant. Il va donc animer cette quotidienne-là, qui est un genre de JE, si on veut, mais en version plus large. Donc, t'as différents segments de justice, de vedettes qui font des choses pas correctes, des crimes, je sais pas. Il y en a pour tous les goûts là-dedans, c'est quand même assez intéressant comme émission. L'animateur, c'est un Australien, Matt Doran, qui va devenir collaborateur à l'émission, et c'est donc Chris Hansen qui va devenir l'animateur principal. Si vous cherchez sur votre guide télé, vous allez voir, ça joue super souvent. C'est une émission en syndication, donc ça joue sur des chaînes locales, les chaînes locales qui peuvent acheter ce... la diffusion de l'émission. Donc, cherchez Crime Watch Daily, qui joue encore en ce moment en reprise, et ça va recommencer en septembre avec une nouvelle saison, avec un nouvel animateur. Voilà. C'est sûr que je vais surveiller ça. Ensuite, Air New Zealand qui a créé une vidéo demandant à James Corden de venir faire un cockpit karaoke. tu sais, vous connaissez Carpool Karaoke qui va jouer en version québécoise à TVA cet automne avec permis de chanter, permis pour chanter, en tout cas, avec choses des grandes gueules, en tout cas. Donc, si vous aimez Carpool Karaoke, Air New Zealand espère que vous allez aimer peut-être et potentiellement regarder ça dans les airs, vous envoyer en l'air. Donc, ils ont demandé à l'animateur de fin de soirée, James Corden, du Late Late Show, qui est très populaire en ligne, entre autres avec Michelle Obama, Beyoncé et d'autres. La ligne aérienne promet à Corden plein de visionnements et plein de rires dans un concept qu'ils ont appelé Cockpit Karaoke. Donc, on va écouter justement la petite vidéo qu'ils ont fait pour l'inviter. Oh, attends un peu, je te suis mute encore. Pourquoi des fois c'est mute, des fois ça l'est pas? Ouais. Ah ouais. Hey James! Donc là, on voit des gens qui entrent. C'est nous, tes amis de la Nouvelle-Zélande. Allô? Ah, on a quelque chose pour toi! Un pitch pour vous. Là, on voit l'avion avancer. Imaginez ça, vous et nous. On voit les ailes de l'avion. Plein de visionnement, plein d'hashtags. Hashtag LOL. On voit vraiment rien, là. Je vous décris rien parce qu'il se passe rien. Hashtag cockpit karaoke. On voit les avions sans cesse, il n'y a rien de ça. Les gens qui marchent. Pensez-y. De vos amis. Là, ils pointent l'avion avec une flèche. Dites-nous ce que vous en pensez, tweetez, envoyez des messages directs, snap, chattez-nous, message dans une bouteille, peu importe, heure perdue. Air New Zealand, where to next.nz. C'est la publicité la moins convaincante que j'ai vue pour convaincre quelqu'un de faire quelque chose, parce que c'est tellement générique, il se passe absolument rien dans la pub. Je vous ai rien décrit, c'est que des ailes, des avions, des gens, des ailes, des avions, des gens. C'est rien du tout. On va à, on était déjà un petit peu à l'international, en Nouvelle-Zélande. Continuons en France. Les séries québécoises sont à l'honneur en France. Les séries québécoises ainsi que celles de la BBC seront à l'honneur de la 18e édition du Festival de la fiction TV de La Rochelle. Du 14 au 18 septembre, a-t-on appris lors d'une conférence de presse. Trois d'entre elles bénéficieront d'un coup de projecteur. Donc, Pour Sarah, diffusée sur TVA, Boomerang sur TVA et Mon ex à moi sur Série+. Les séries du Québec sont un vrai modèle pour nous, a relevé Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde, à la tête du comité de sélection du festival. Je cite ici dans les thèmes comme dans les dialogues, leur CRTC est plus coulant que le nôtre. Sa chaîne diffuse quasiment toute la production québécoise. A poursuivi Yves Bigot, dont la chaîne diffuse quasiment toute la production québécoise, louant sa créativité remarquable avec de petits budgets. Il parle de TV5 Monde, Québec-Canada. L'adaptation française des Beaux Malaises avec Franck Dubosc dans le rôle de Martin Matt sera d'ailleurs présentée hors compétition par la chaîne M6. Plus de 35 000 spectateurs étaient attendus pour découvrir gratuitement plus de 45 œuvres de fiction internationale. Au total, 35 œuvres seront présentées en sélection officielle, dont 25 françaises, 7 téléfilms, 10 séries, 4 programmes courts, 4 web-séries, une souris verte et 10 fictions européennes hors France. Le festival consacrera également la journée du 16 septembre à la BBC. Le jury, présidé par la comédienne française Isabelle Carré, doit décerner 14 récompenses le 17 septembre prochain. Évidemment, on va certainement en reparler. Maintenant, on va sur Internet. Une série inspirée du film Agent Trouble. Warner Brothers TV et la société de production Plan B collaborent avec le scénariste Jason Richman pour développer une série dramatique destinée à Amazon, directement inspirée du film de Martin Scorsese, Agent Trouble, The Departed, affirme le site Variety. Jason Richman, donc, est actuellement en charge du pilote. La série télévisée sera centrée sur un jeune policier dont la mission sera d'infiltrer un gang latino à Chicago. Pour le moment, aucun acteur ni réalisateur n'a été annoncé pour faire vivre cette adaptation télévisée, sortie en 2006 et adaptée du film hongkongais Infernal Affairs d'Andrew Lau. Agent trouble de Martin Scorsese est porté par Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson et Mark Wahlberg. Juste ça. Le long métrage a raflé pas moins de 4 Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur. Toujours sur Internet, en projet télé, on a retrouvé Ron Weasley. L'acteur britannique Rupert Grint, révélé grâce au rôle de Ron Weasley dans la saga Harry Potter, sera le personnage principal de la série télévisée Snatch, adaptation du film éponyme de Guy Ritchie, qui est connu au Québec sous le titre de Snatch, Tubrac ou Turac. J'en avais aucune idée, selon Deadline.com. Constituée de 10 épisodes, la série sera diffusée dès 2017 sur Crackle, le réseau de streaming de Sony. L'esprit du film de Guy Ritchie, sorti en 2000 avec Brad Pitt dans le rôle principal, sera conservé, mais de nouveaux personnages devraient voir le jour. Rupert Grint campera le rôle du dynamique et chic Charlie Cavendish aux côtés de Doug Ray Scott, qu'on a vu dans Beauté désespérée, et Ed Westwick de Gossip Girl, qu'on appelle ici l'élite de New York. Nick Renton sera à la réalisation de la série qui devrait entrer en production dès la semaine prochaine. Et voilà. Il y avait deux autres nouvelles, mais le site de la presse a effacé les nouvelles. Est-ce que c'est le site au complet de la presse? J'ai pas regardé les nouvelles en ce moment. Non, le site de la presse fonctionne, donc les deux nouvelles sont... Peut-être que c'était pas vrai. C'était peut-être des fausses nouvelles, je sais pas. Ah, attends un peu, non, le v'là. OK, c'était quoi l'autre nouvelle que j'ai pas fait tantôt? Parce qu'ils sont revenus, Attends un petit peu. Voilà. Donc, on va revenir en arrière un petit peu sur une nouvelle américaine, mettant que le site est de retour. Harcèlement sexuel. Une ex-animatrice poursuit le réseau Fox. Là, vous allez me dire, t'es donc bien en retard d'un mois avec Gretchen Carlson. Non. Ce n'est pas l'histoire de Gretchen Carlson, c'est une nouvelle. Andrea Tinteros, qui poursuit aussi Fox News. Donc, une ancienne animatrice de Fox News poursuit le réseau. Son ancien président du conseil d'administration et plusieurs autres membres de la direction affirment avoir été victime de représailles après avoir accusé son ancien patron Roger Ailes de harcèlement sexuel. Oui, c'est vraiment le même genre de nouvelle que la semaine passée, il y a deux semaines. Donc, dans des documents soumis à la cour, Andrea Tinteros a décrit Fox comme étant une secte carburant au sexe à l'image du manoir Playboy. Elle a ajouté qu'un des principaux adjoints de Ailes, William Shine, l'avait averti après qu'elle lui déposé sa plainte l'an dernier que l'ancien PDG de la chaîne d'information était un homme très puissant et qu'elle devait lâcher prise. Monsieur Shines a été promu co-président de Fox News après la démission de Monsieur Ailes le mois dernier. On peut aussi lire dans les documents que si Ailes est le principal responsable, ses gestes ont été cautionnés par la majorité de ses principaux lieutenants qui ont mené des efforts concertés pour réduire Madame Tinteros au silence et en la menaçant, en l'humiliant et en exerçant des représailles. Le réseau a dit qu'il ne commentera pas en raison des procédures judiciaires en cours. Ailes a dû démissionner en juillet, comme on l'a dit il y a quelques semaines. Une autre ancienne co-animatrice, animatrice Gretchen Carlson, avait Carlson, c'est marqué Carson dans l'article, a engagé des poursuites contre lui, l'accusant de l'avoir congédié après qu'elle eut refusé ses avances sexuelles. L'ancien PDG de Fox News a nié ces allégations, ces accusations. Depuis son départ de la chaîne, d'autres femmes ont accusé Ailes de harcèlement sexuel. La revue New York a rapporté qu'une ancienne comptable du réseau, Laurie Lunn, a dit avoir été victime d'Ailes pendant une période de 20 ans. Madame Tenteros dit qu'elle intente des poursuites afin de valider le proverbe « le poisson pourrit toujours par la tête ». Elle dit aussi avoir dû supporter les comportements inappropriés de plusieurs autres hommes dans les studios new-yorkais de Fox News. Parmi eux, l'ancien sénateur républicain Scott Brown et l'animateur Bill O'Reilly, ni l'un ni l'autre ne sont cités comme défendeurs pour la poursuite. Selon les documents de la cour, M. Brown lui a adressé plusieurs commentaires sexuels inappropriés et a posé ses mains à la taille. Quant à M. O'Reilly, il l'a invité à sa maison de Long Island en lui disant qu'elle avait un côté sauvage. M. Brown a déclaré que les accusations de Mme Tenteros étaient fausses et qu'il l'a toujours rencontré devant témoins. Un porte-parole de M. O'Reilly n'a pas rappelé l'Associated Press. Je vais juste aller vérifier ce que j'avançais tantôt. C'est bien Gretchen Carlson, C-A-R-L-S-O-N. Les journalistes et la vérification des choses. Ça, je ferais une bonne job de recherchiste pour correction des journaux. Et pour terminer, sur, on vient à Internet en passant. La télé sur IP, donc Internet Protocol, de l'espoir pour les câblos distributeurs. Les câblos distributeurs ont peut-être une chance de reconquérir les clients qui se sont débranchés au profit de diffuseurs en ligne comme Netflix en tentant de les séduire en misant sur la soi-disant télévision IP. Pour l'analyste principal chez Edward Jones, Dave Heger, la multidiffusion qui regroupe notamment la télévision en direct ainsi que la vidéo sur demande pourrait venir à la rescousse de ces entreprises. Aux États-Unis, le géant Comcast a pu limiter les dégâts au chapitre des abonnés à son service de télévision après avoir commencé à offrir la télévision IP. Pour l'exercice 2015, l'entreprise avait vu son nombre de clients chuter de 36 000. Toutefois, au deuxième trimestre terminé le 30 juin, la perte est limitée à 4 000 abonnés, soit la meilleure performance pour cette période en une décennie. Cela suggère que le phénomène du débranchement pourrait finir par s'inverser. Donc, il croit qu'il y a un lien entre la télévision IP et l'expérience des consommateurs. Le phénomène du débranchement a eu de lourdes conséquences pour les entreprises canadiennes du secteur des télécommunications qui ont vu des dizaines de milliers de clients mettre fin à leur abonnement. Rogers Communications, Québécois et TELUS ont déjà dévoilé leurs résultats de deuxième trimestre. Ainsi, Rogers a perdu 23 000 clients, soit un peu moins par rapport au trimestre précédent, alors que Vidéotron, filiale de Québécois, l'ensemble des services de distribution a chuté de 39 400 abonnés. TELUS, de son côté, a ajouté 13 000 clients, tandis que chez BCE, la hausse a été de 2101. Le porte-parole de TELUS, Richard Gildley, a affirmé que l'entreprise a été en mesure d'accroître son nombre d'abonnés en bonifiant son offre, notamment grâce à la télé IP, la télé sur Internet. Monsieur Egger a également souligné que la performance des câblos distributeurs au deuxième trimestre avait été souvent influencée par les vacances d'été où, par exemple, de nombreux étudiants universitaires mettent fin à leur abonnement avant de retourner à la maison. Vous savez qu'il y a une option qui coûte quelque chose en passant, je trouve ça absolument absurde. Que tu peux aller en mode vacances, tu vas sur, mettons, le site de, je sais pas, Bell, peu importe, tu vas dans ton compte, tu dis, bon, je vais être en vacances, donc mettez mon service sur la glace, et ils vont te charger quelque chose pour ça, pour ne pas avoir de service. C'est incroyable. Pour sa part, Bram Healy, fondatrice du Convergence Research Group, qui évalue à quel point les consommateurs délaissent les câbles aux distributeurs, estime que le phénomène du débranchement devrait poursuivre sa progression. La firme fondée en 1996 s'attend à ce que 190 000 abonnements soient annulés cette année ainsi que l'an prochain. Monsieur Egger ne croit toutefois pas que le nombre de clients qui décident de mettre fin à leur forfait de câble aux distributions s'accroisse de façon significative. La tendance pourrait même finir par s'estomper alors que de plus en plus d'entreprises se tournent vers la télévision IP, selon l'analyste. Au deuxième trimestre, Bell a perdu 33 154 clients satellites, ce qui a été contrebalancé par l'ajout de 33 255 nouveaux clients de télévision IP, donc télévision par fibre optique. J'imagine que c'est ce que ça veut dire. Pour sa part, Rogers prévoit déployer ce service plus tard cette année. Son chef de la direction, Guy Lawrence, a toutefois prévenu que le lancement pourrait être retardé au besoin. Au cours de la conférence téléphonique visant à discuter des résultats du deuxième trimestre, M. Lawrence avait dit qu'il ne serait pas surpris que ce nouveau service puisse inciter certains clients à revenir chez Roger. Voilà, c'est tout pour Television Television, une bonne petite demi-heure de nouvelles télévisuelles. Retournons avant de passer à Merci Science. On va retourner en chiptune pour aller entendre une pièce de Pixel Panic. Voici Waxing Down, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. Est-ce que c'est vraiment 15 secondes? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai une autre version ici. Je pense que celle-là va aller mieux. Pixel Panic, Waxing Down, MPS. Le Mathieu Blanche, chaussure, c'est fou. 89.1 Trois-Rivières. Vous êtes assez fous. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Et la pièce Runner sur son futur LP sur Mad Milky Records. Et avant ça, c'était Pixel Panic avec Waxing Down, un combo chiptune rock. Toujours Mathieu Planchot, maintenant c'est Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. On commence avec un implant pour améliorer la mémoire. Et que j'aurais besoin de ça. Une jeune entreprise, Kernel, a annoncé qu'elle se lançait dans la fabrication d'implants de mémoire. Donc, la technologie se base sur des micro-électrodes placées à la base du cerveau pour stimuler certains neurones à la mémoire à long terme. Placé près de l'hippocampe, qui joue un rôle important dans la mémoire, cet implant simulera les influx électriques et pour indiquer aux neurones quelles informations encoder à long terme. Cette technologie aidera principalement les patients atteints de déficiences cognitives dues à la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies dégénératives. La technologie de Kernel découle directement des recherches du professeur Ted Berger du Centre pour l'ingénierie neuronale de l'Université de la Californie du Sud qui a entrepris depuis plusieurs années des tests sur des rats et des primates. Une prothèse implantée dans le cerveau enregistre les signaux reçus et un microprocesseur calcule ensuite la façon de stimuler les bons neurones pour que la nouvelle information soit conservée adéquatement en mémoire. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un ajout d'espace mémoire, mais bien d'un implant qui décode ce qui est dans la mémoire organique et la replace de façon plus adéquate. Le développement des neurosciences dans les dernières années a fait des bonds gigantesques grâce à la miniaturisation et l'augmentation en puissance des puces informatiques. Pour les gens atteints de maladies dégénératives cognitives, c'est une très bonne nouvelle. Reste bien évidemment à la jeune entreprise Kernel à concrétiser cette promesse. Si les tests en cours continuent à rester concluants, l'implant serait prêt pour sa commercialisation dans la prochaine décennie. La technologie médicale nous a progressivement habitués à l'arrivée des cyborgs. Elle a rendu progressivement banale la réparation de l'humain par des ajouts de pièces de machines, nous dit Radio-Canada.ca. Cette banalisation passe d'autant mieux que ces réparations se font par petites touches, bras mécaniques pour l'un, cœur artificiel pour l'autre. Mais ici, nous sommes loin de Robocop, véritable fusion humain-machine, plus un fantasme de science-fiction qu'une réalité. Un cyborg aujourd'hui n'utilise la machine que comme palliatif à une défaillance mécanique du corps. Mais ce que propose Kernel ne touche pas notre enveloppe corporelle. Sa prothèse augmente, ce qui fait en grande partie notre identité, la mémoire. Dans cette optique, la commercialisation attendue de la prothèse serait le premier pas symbolique vers la véritable fusion avec la machine. En effet, la mémoire à long terme du patient serait reconstruite avec son aide. Si l'identité d'une personne passe par sa mémoire, alors elle est tributaire de cet implant, ce n'est pas une banale prothèse. Ce à quoi il faut s'attendre, c'est que l'humain réparé soit le prélude à l'humain augmenté. Dans le livre « Humain sur la mutation que les technologies nous font subir », les auteurs Monique Atlan et Roger Paul-Droit appelle la grande tentation à cette aspiration à vouloir transcender notre condition. Pour l'instant, la promesse de Kernel n'est pas d'augmenter l'humain, mais bien de le maintenir dans son état, c'est-à-dire de conserver les nouveaux apprentissages malgré la maladie dégénérative. Par contre, les avancées de la science axées pour soigner les humains sont souvent utilisées pour augmenter les humains. Vous pouvez aller voir le reste des détails sur assemblagerequis.com. Maintenant, des chercheurs ont réussi à régénérer le foie de la souris grâce à une simple pilule. Si la médecine progresse chaque jour, ces traitements sont aussi de plus en plus sophistiqués et lourds. Mais une équipe de chercheurs chinois a peut-être trouvé un moyen simple de régénérer des organes en mauvais état grâce à une pilule. Dans une étude publiée le 17 août dans la revue Science, Dawang Zhao et ses collègues expliquent avoir réussi à régénérer le foie malade de souris sans opération invasive. Jusqu'alors, les traitements de reconstruction du foie reposaient sur des méthodes assez lourdes, impliquant par exemple l'injection de biomatériaux, mais les chercheurs ont trouvé un autre moyen d'aider cet organe à se régénérer. Pour cela, ils ont ciblé deux molécules bien précises appelées MST1 et MST2. Celles-ci contrôlent un mécanisme essentiel de l'organisme, la transduction de signal hypo. En gros, c'est grâce à lui que le corps sait à quel moment le tissu des organes doit se développer et à quel moment les cellules doivent arrêter de proliférer. Et MST1 et 2 dans tout ça, ces molécules sont celles qui empêchent justement les organes de trop se développer. Les chercheurs ont donc conçu un médicament qui va bloquer MST1 et 2 et ainsi permettre à l'organisme de régénérer plus facilement le foie. Les tests ont été effectués sur plusieurs groupes de souris atteints de différents problèmes au foie. L'un de ces groupes était victime de l'intoxication à l'acétaminophène, c'est-à-dire au paracétamol. Le fait que cette méthode fonctionne sur l'overdose de doliprane est une bonne nouvelle car le surdosage de ces cachets antidouleurs, en passant c'est de l'aspirine, est la première cause d'intoxication médicamenteuse en France selon Allo Docteur. Et même si l'expérience n'a été pour l'instant tentée que sur des souris, Dawang Zhao, auteur de l'étude, est plutôt confiant sur la possibilité d'utiliser ce médicament sur des humains. Le chercheur précise au Huffington Post avoir également testé cette pilule sur des souris humanisées, des souris spécialisées qui disposent de cellules hépatiques identiques à celles de l'homme. Même si ces travaux sont encore embryonnaires et qu'il faudra encore de nombreuses études pour confirmer et perfectionner la technique, Dawang Zhao se veut optimiste. En plus du foie et de l'intestin, ce médicament a le potentiel de réparer d'autres organes. Et évidemment, moi, d'aller voir si acétaminophène, c'est bien de l'aspirine, je crois que c'est du Tylenol. Pas capable de mettre ça genre au début de la page. Attends un peu. Ibuprofène, en tout cas. C'est un de ceux-là, là, bon. Tylenol, oui, Tylenol, acétaminophène. Bon. Continuons avec... si vous êtes fainéant... En fait, vous n'êtes pas fainéant, vous êtes juste très intelligent. Une nouvelle bonne excuse pour ne pas décoller de son divan. D'après une recherche américaine, les personnes qui aiment réfléchir à des problèmes complexes passeraient plus de temps à ne rien faire, à des résultats à prendre tout de même avec des pincettes. Allergique au jogging et aux séances de musculation, vous êtes peut-être juste un grand penseur. C'est ce que suggère une étude parue dans la revue Journal of Health Psychology. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs de la Florida Gulf Coast University ont fait passer un test psychologique à des étudiants pour savoir quels étaient ceux qui exprimaient un désir de réfléchir beaucoup et ceux qui préféraient éviter les exercices de réflexion. Les participants devaient donc dire s'ils adhéraient plus ou moins à des phrases comme « j'aime vraiment une tâche qui consiste à apporter de nouvelles solutions ». Une de mes tâches préférées, sinon ma préférée. Ils ont ensuite, tu sais, Mathieu à la rescousse, comme on l'appelle. Ils ont ensuite sélectionné 30 personnes jugées comme étant plutôt des penseurs et 30 comme des non-penseurs, donc le public non-cible de cette émission. Les participants ont été équipés d'un appareil pour suivre leur activité physique durant une semaine. Les résultats ont montré que le groupe de penseurs était beaucoup moins actif que l'autre entre le lundi et le vendredi, mais cette différence était moins prononcée le week-end. Le conseil est amusant, mais la fiabilité de l'étude paraît contestable. L'échantillon de personnes est vraiment petit, donc seulement 60 personnes d'âge similaire et issues de milieux sans doute semblables. De même que la durée de l'étude, seulement une semaine, résultats demandent donc confirmation, d'autant plus qu'ils vont à l'encontre d'autres travaux montrant que l'exercice physique a un effet positif sur le cerveau. Ainsi, une étude finlandaise de 2015 sur des jumeaux montrait que ceux qui font le plus de sport ont davantage de matière grise dans le cerveau. On rappelle au passage que l'activité physique est importante à la santé et que l'inactivité tuerait plus que l'obésité. Évidemment, évidemment. Même si les gens qui écoutent le Mathieu Plante Show sont peut-être pas des personnes très très actives physiquement, en général, je veux pas faire de généralisation, mais je dis en général, je pense qu'on est plus des penseurs que des faiseurs. Non, pas des faiseurs, mais des leveurs de poids, quelque chose comme ça, des sportifs. Vous me comprenez. Ensuite, le bon cholestérol n'est pas si bon que ça. D'après une recherche américaine portant sur plus de 1,7 million de personnes, tu vois que c'est comme assez loin du 60 personnes de l'autre étude d'avant, les taux élevés ou bas de bon cholestérol, ce qu'on appelle le HDL, sont associés à une mortalité plus élevée. Les personnes avec des taux moyens auraient moins de risques de décès prématuré. Le cholestérol est un lipide essentiel à l'organisme, mais transporté dans le sang par deux molécules, le HDL pour High Density Lipoprotein pour le bon cholestérol et le LDL pour le Low Density Lipoprotein pour le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol est accusé de réduire le diamètre des artères et donc de favoriser les maladies cardiovasculaires. À l'inverse, le bon cholestérol est généralement présenté comme bénéfique à la santé de notre cœur et de nos vaisseaux, une opinion qui ne fait plus vraiment l'unanimité. Dans une étude parue dans le Clinical Journal of the American Society of Nephrology, les chercheurs ont voulu analyser la relation entre le taux de bon cholestérol et le risque de décès. Pour cela, ils ont étudié les niveaux de cholestérol HDL, donc ça c'est le bon cholestérol, chez plus de 1,7 million d'hommes, des vétérans américains, donc des gens qui étaient dans l'armée, qui ont été suivis pendant environ 9 ans. Par rapport au groupe qui avait les taux de cholestérol les plus bas, donc moins de 25 mg par DL, ceux qui avaient des niveaux de cholestérol intermédiaires entre 25 et 50 étaient ceux qui avaient le risque de décès le plus faible. La relation entre le niveau de cholestérol HDL, ça c'est le bon cholestérol, et la mortalité suivait une courbe en U. Donc le risque de décès augmentait avec de bas taux de bon cholestérol, mais aussi avec des taux élevés. Dans un communiqué de la Washington University à St. Louis, aux États-Unis, Ziad Al-Ali, auteur de cette recherche, a expliqué que ces résultats l'avaient surpris, je cite, « Auparavant, on pensait que des taux élevés de bon cholestérol étaient bénéfiques. La relation entre l'augmentation des taux de cholestérol HDL, bon, et la mort précoce est inattendue et encore pas tout à fait claire. Cela nécessitera une étude plus approfondie. » Fin de la citation, il ajoute que ces données peuvent expliquer pourquoi les essais cliniques visant à augmenter les taux de bon cholestérol n'ont pas donné de bons résultats. D'autres travaux ont mis en doute les soi-disant bénéfices du bon cholestérol. Ainsi, l'étude de 2012 parue dans The Lancet montrait que les taux élevés de cholestérol bon n'étaient pas forcément synonymes de bonne santé cardiovasculaire. Parlons d'intersexualité, un sujet qu'on n'aborde pas nécessairement souvent, un sujet tabou. Combien y a-t-il de sexe dans l'espèce humaine? À l'occasion des Jeux olympiques de Rio, l'apparence physique de certaines sportives arborant une musculature développée et de larges épaules peut susciter des interrogations. L'occasion donc de faire le point important sur la définition du sexe biologique, qui n'est pas seulement une affaire de chromosomes ni de gros bras. C'est un article de Futura Science qui m'a fasciné. Allons-y maintenant avec comment définir le sexe. Génétiquement parlant, il est habituellement fixé par la présence de chromosomes XX chez la femme et XY chez l'homme. Là, jusque-là, je pense que tout le monde sait ça. Cependant, la situation est plus compliquée pour certaines personnes dites intersexuées, qui possèdent à la fois des caractéristiques masculines et féminines. Donc, 1 à 2% des naissances dans l'espèce humaine sont concernées. Dans un article du journal du CNRS, Francis Poulain, le petit Poulain, de l'Institut de génétique humaine à Montpellier, souligne la diversité des situations rencontrées. Je cite, les manifestations les plus extrêmes de désordre du développement sexuel sont ce qu'on appelle les inversions de sexe. Donc les femmes XY dont les testicules ne sont pas développés avec un vagin et un clitoris et les hommes XX avec des testicules et un pénis. Outre ces exemples, il existe nombre d'autres phénotypes intermédiaires où certains des caractères sexuels masculins et féminins cohabitent chez le même sujet. Donc les deux sexes à l'intérieur de toi. Le sexe biologique se base sur différents critères, entre autres les chromosomes certes, mais aussi les caractères sexuels comme les organes génitaux externes et internes, la production de cellules reproductrices comme les ovules ou les spermatozoïdes et d'hormones sexuelles comme la testostérone, l'hormone mâle. Toutefois, si l'on prend en compte tous ces critères, il est difficile de classer 100% des individus en deux catégories vraiment distinctes, avec d'un côté des hommes XY ayant des organes génitaux masculins et des niveaux élevés de testostérone, et de l'autre côté des femmes XX avec des organes génitaux féminins et de faibles niveaux de testostérone. En fait, le sexe biologique se construit en plusieurs étapes au cours de la vie, comme le décrit Thierry Hocquet, professeur de l'université Jean Moulin Lyon 3. Je cite, Les différents niveaux du sexe biologique se déploient autour de quatre temps forts que sont la fécondation, où se détermine le sexe chromosomique, la vie intra-utérine, où se met en place le sexe gonophorique, la naissance, où est examiné le sexe périnéal, qui va décider du sexe d'état civil, et la puberté, où s'épanouit le sexe hormonal. Autant d'étapes au cours desquelles peuvent survenir des processus conduisant à une condition intersexe. Justement, le cas de Caster Semenya, l'athlète favori du 800 mètres aux Jeux olympiques de Rio. Autant de questions que se posent les instances sportives qui se trouvent parfois confrontées à des athlètes intersexués. Comme la testostérone favorise la masse musculaire, les femmes qui présentent naturellement des taux élevés de cette hormone peuvent paraître avantagées par la nature. C'est pourquoi en 2012, la Fédération internationale d'athlétisme a fixé une limite de testostérone à ne pas dépasser pour les athlètes féminines. La Sud-Africaine Caster Semenya en a fait les frais, contrainte de limiter son taux naturel de testostérone en prenant des médicaments pour contrer ça. Au championnat du monde de Berlin en 2009, elle avait remporté le titre mondial, mais elle avait aussi fait l'objet d'une enquête sur son identité sexuelle. Sa musculature, sa voix grave avaient suscité des rumeurs, certains suggérant qu'elle était un homme, d'autres qu'elle se dopait. Pourtant, elle n'est ni l'un ni l'autre. Née fille et ayant grandi comme une fille, Caster Semenya est une femme avec un taux de testostérone naturellement élevé et donc hyper androgène. Caster Semenya est de retour sur la piste de Rio dans ses médicaments. Sans ses médicaments, pardon. Était de retour, évidemment, c'est fini. En partie grâce à une autre athlète hyper androgène, la sprinteuse indienne Duti Chand, qui n'a pas pu participer aux Jeux du Commonwealth en 2014 et a porté une réclamation au tribunal arbitral du sport pour discrimination. Ces femmes hyper androgènes présentent un avantage physique et qui d'ailleurs reste à prouver. Que dire des basketteurs immensément grands qui, du fait de leur taille, peuvent marquer plus facilement des paniers? Duti Chand a obtenu gain de cause et les tests de testostérone ont été abandonnés. Caster Semenya se présente donc aux Jeux olympiques de Rio comme la favorite du 800 mètres sans ses médicaments. Évidemment, je ne peux aller voir si elle avait gagné ou pas parce que je m'en contre sacre des Jeux olympiques, mais Caster Semenya aux Jeux olympiques de Rio aux 800 mètres. Maintenant, on va dans l'espace où les Montréalais rêvent d'espace. Ce sont les Montréalais qui ont manifesté le plus d'enthousiasme pour devenir le prochain astronaute canadien. Alors que la campagne de recrutement a pris fin récemment, l'Agence spatiale canadienne a dévoilé ses chiffres finaux sur son processus mis en place afin de trouver deux futurs astronautes. Parmi les grandes régions métropolitaines du Canada, Montréal arrive en tête avec ses 441 candidats. La métropole québécoise devance Toronto, qui a 391 candidats, même si cette dernière ville est plus peuplée. Vancouver est bonne troisième avec 256 candidats. Mais sur le nombre total de candidats, soit 3772, c'est tout de même l'Ontario où il y a le plus grand nombre, la plus grande proportion d'aspirants astronautes, donc 34%. Le Québec suit avec 21,5 et l'Alberta 14,7. Trois habitants du Nunavut ont manifesté leur désir d'aller dans l'espace. Sur le total des candidats, 24% sont des femmes, 69% des hommes. 7% ont choisi de ne pas déclarer leur sexe ou sont intersexués, hein, on vient d'en parler. L'agence dévoile que 7793 personnes ont commencé le processus en ligne et que 3772 l'ont complété. Je cite, c'est beaucoup, selon l'astronaute canadien Jeremy Hansen en entrevue téléphonique. Je cite encore, c'est important parce qu'on veut que les Canadiens sachent qu'on a un futur dans l'espace. On va avoir une industrie commerciale dans l'espace, alors c'est très important pour le futur du Canada d'être prêt pour ça, a commenté l'homme qui est aussi pilote de chasse. Je suis vraiment heureux que presque 4000 personnes soient prêtes à accepter le défi d'être astronaute. Et aussi, il est satisfait qu'il y ait eu un peu plus d'applications de femmes que par le passé. C'est important pour tout le monde, dit-il, à l'agence et pour lui-même, que les femmes sachent que le travail d'astronaute est pour les hommes et pour les femmes, a déclaré le père de trois enfants, dont deux filles. Bien d'autres étapes restent à franchir avant que les deux astronautes ne soient choisis. Les candidats devront d'abord se soumettre à un examen de jugement et de raisonnement en ligne. Ensuite, les dossiers seront examinés par l'agence spatiale, qui réduira le nombre de candidats à 200. Après moult questionnaires médicaux et entrevues, seulement 40 candidats seront retenus, qui subiront ensuite des tests de physique. Selon M. Hansen, l'agence ne recherche pas de profil typique, car la diversité des expériences est importante pour l'agence. L'astronaute estime surtout qu'une qualité cruciale est de bien pouvoir travailler en équipe, un atout important quand un astronaute peut se retrouver en vase clos pendant 6 mois avec seulement quelques collègues. C'est important de travailler comme équipe, mais quand même, même quand il y a beaucoup de stress, dit-il. L'ASC prévoit annoncer les deux candidats choisis à l'été 2017 pour qu'ils commencent leur formation en août de la même année. Et une petite dernière, ça n'a pas tant rapport avec grand-chose dans le fond. J'ai mis en chronique science parce que c'est une question de science, donc ça a rapport avec la science un petit peu, mais c'est plus une question de théorie du complot. On va expliquer une théorie du complot. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie des chemtrails? Une hypothèse complotiste qui affirme que les traînées laissées dans le sillage des avions sont composées d'éléments chimiques destinés à nous endormir, nous empoisonner ou encore à nous stériliser. C'est vraiment quelque chose qui existe. Puisqu'il n'existait aucune étude permettant de démentir ces allégations, deux groupes de chercheurs se sont constitués pour mener l'enquête. Alors, traînées chimiques ou simple condensation? C'est la question. Les théories du complot prospèrent sur Internet et vous avez sûrement déjà entendu parler de certaines de ces fumisteries. Dans de nombreux cas, il est question d'hypothétiques sociétés secrètes qui seraient à la manœuvre au sein du gouvernement ou dans l'économie mondiale afin de nous manipuler. Je pense qu'il y en a qui écoutent un petit peu trop des X-Files. Quoi que tu peux pas vraiment écouter trop des X-Files, c'est parfait comme série. L'un des exemples les plus connus et répandus dans le monde entier est celui des chemtrails, sous ce terme anglais, une contraction de chemical pour chimique et trails comme des traînées, maudites traînées chimiques comme on dit. C'est diffuser l'idée que les traces de condensation que l'on peut voir parfois dans le sillage des avions de ligne seraient en réalité constituées d'agents chimiques volontairement épandus dans l'air au-dessus des populations. Le but, selon les versions et croyances, serait soit de stériliser ces populations, soit de les empoisonner à petit feu, soit encore d'en contrôler les consciences. Selon un sondage effectué en 2011 aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne, près de 17% des quelques 3100 personnes interrogées pensent totalement ou en partie que ces traces sont bel et bien le fruit d'une conspiration. Ce qu'on dit en français, un complot en passant. En France, ça se chiffre à 22% des personnes sondées selon un sondage de Science et Vie de Harris Interactive. Souhaitant trancher la question en apportant des réponses scientifiques à ces allégations, Ken Caldera, chercheur en écologie à la Carnegie Institution for Science de Washington, a réuni plusieurs de ses collègues venus de la même institution et aussi de l'Université de Californie à Irvine et de l'organisation à but non lucratif Near Zero pour solliciter la contribution de plusieurs spécialistes mondiaux. Donc la synthèse de leurs analyses a été publiée dans Environmental Research Letters. Je cite, en dépit de la persistance de théories erronées au sujet des programmes de pulvérisation de produits chimiques dans l'atmosphère, il n'y avait pas d'études évaluées par des pairs dans des revues académiques montrant que ce que certaines personnes prennent pour des chemtrails ne sont en réalité que des traînées de condensation ordinaire, a déclaré l'auteur principal, ajoutant que l'objectif de cette étude n'est pas de faire changer d'avis les fanatiques de ces théories, mais les fans de Donald Trump, ils vont tout le temps voter pour Donald Trump. Les gens qui croient aux chemtrails vont toujours croire les chemtrails. Mais de rendre accessible à ceux qui doutent une véritable expertise scientifique sur le sujet. 77 experts ont répondu à l'invitation. Ils ont été répartis en deux groupes. Les spécialistes de la chimie de l'atmosphère, ont enquêté sur les photos censées démontrer que le phénomène ne s'explique pas naturellement, de par la description des traînées, leur forme, les teintes, etc. Les géochimistes se sont intéressés à trois échantillons collectés dans lesquels les concentrations d'éléments chimiques trouvés étaient inhabituellement élevées. Ah, la ponctuation de ces phrases-là me fait lire tout croche. Tous les chercheurs, à l'exception d'eux seuls, soit 98,7%, wow, pauvre jet, sont d'accord pour conclure que les chemtrails n'existent pas. Ces traces dans le ciel, qu'elles soient laissées par des avions civils ou militaires, peuvent s'expliquer autrement. Le seul qui ne partage pas cette idée, cet avis, et rallie l'hypothèse d'un complot international, c'est surtout inquiété du taux de barium dans l'échantillon d'aérosol étudié. Selon le géochimiste, ce taux est trop important relativement à la région d'où il provient, et cela ne peut être que l'œuvre d'un épandage volontaire. Ce point est très discuté car cet élément pourrait être présent via les forages d'huile et de gaz de schiste, les peintures automobiles, des stabilisants pour les plastiques, des lubrifiants ou encore des pesticides. Quant aux quantités supposément anormales de strontium, d'aluminium, de cuivre et de manganèse retrouvées, elles peuvent s'expliquer à chaque fois par les dépôts naturels et ou la pollution industrielle. Concernant les photos présentées comme preuve, le groupe d'experts a conçu qu'il s'agissait toujours de processus physiques et chimiques connus et bien compris. Enfin, il est possible aussi, indique Ken Caldera, que le changement climatique fasse persister les traînées de condensation plus longtemps qu'auparavant. Il apparaît également en creux de cette étude que beaucoup de tenants de cette théorie des chemtrails ont une mauvaise connaissance des phénomènes atmosphériques. L'article de futurascience.com. Voilà, on est arrivé à la destination de Merci Science. On va retourner en chiptune. En passant, toutes les pièces, tous les articles sont sur assemblagerequis.com. Donc la prochaine pièce est par Venom, un des favoris de l'émission. Donc voici Meadow, tout de suite MPS, le Mathieu Plante Show. Assez fou, 80 FM. êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. Don't get around much anymore. C'est un réarrangement de standard du classique jazz avec quelques petits solos funky, dit-il. Donc l'artiste Daisy, la pièce Don't get around much anymore. Avant ça, avant la pause, c'était Meadow par Venom. Toujours Mathieu Planchot, maintenant c'est le segment Geek Cynix. Cynix, c'est la chronique de technologie, d'informatique, de jeux vidéo, tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Commençons par des robots, comme on le fait toujours, avec des robots qui ont réussi une greffe de rein sur des patients obèses. Une nouvelle qui est à mi-chemin entre Merci Science et Cynix. Donc le CHU de Toulouse a réalisé deux interventions inédites en Europe, deux greffes rénales, assistées par un robot chez des patients obèses normalement non éligibles à la transplantation du fait de leur surpoids. Jusqu'à présent, les greffes rénales assistées par un robot chez les patients obèses n'avaient été réalisées qu'à Chicago, aux États-Unis. Les opérations réalisées au CHU de Toulouse en mai et en juin dernier changent donc la donne. Les deux patients souffrant d'une obésité particulièrement morbide vont très bien, comme l'a indiqué le centre hospitalier. Le premier pesait 105 kg pour 1,63 m, soit un indice de masse corporelle, IMC de 37. Le second a un poids de 130 kg pour 1,80 m, soit un IMC de 40. Les patients dont l'IMC est supérieur à 35 ne sont pas éligibles à une greffe rénale classique en raison des risques chirurgicaux encourus jugés trop élevés. Je cite, les obèses sévères ou morbides ont environ 40% de risque supplémentaire de complications post-opératoires, a indiqué le docteur Nicolas Doumerc, qui a pris les commandes du robot pour la greffe. En effet, chez ces patients, l'épaisseur de la paroi abdominale accroît grandement le risque d'infection post-opératoire et d'éventration. L'utilisation d'un robot qui passe à travers la paroi évite d'ouvrir le ventre et ne nécessite qu'une petite incision de 4 cm, a expliqué le docteur, expert en chirurgie robotique dans le département d'urologie, andrologie et transplantation rénale de l'hôpital Rangueil à Toulouse. Cette prouesse technique donne espoir à des patients obèses qui n'arrivent pas à maigrir et qui, jusqu'à présent, étaient exclus de la transplantation rénale. L'espérance de vie est plus grande quand on est greffé qu'en dialyse, oui. Seule solution qui se présentait jusqu'à présent pour ces patients. Une vingtaine d'obèses malades pour qui la transplantation rénale classique est contre-indiquée pourraient avoir accès à l'opération assistée par un robot à Toulouse. Le recours au robot ouvre des perspectives pour les obèses importants dans d'autres pathologies telles que le cancer du rein, puisqu'une néphrectomie robot assistée pour cancer a été réalisée le mois dernier à Toulouse sur un patient obèse morbide de 205 kg pour 1,79 m avec un IMC à 64. Le CHU de Toulouse avait par ailleurs déjà réalisé en 2015 une première mondiale c'est-à-dire une greffe rénale robot-assistée avec extraction du rein de la donneuse et introduction du greffon sur la receveuse par voie vaginale. L'utilisation du robot se développe à travers le monde pour de nombreuses chirurgies, mais reste encore relativement rare pour les transplantations rénales. Depuis 2010, seuls 300 patients dans le monde, particulièrement en Inde et aux États-Unis, ont pu bénéficier de ce type de transplantation, dont 30 en Europe, essentiellement en Espagne et en France, notamment à Toulouse. Maintenant, on change complètement de domaine avec le casque Alloy. Intel nous plonge dans une réalité fusionnée. Réalité virtuelle ou réalité augmentée, mais Intel propose une troisième voie avec son projet Alloy. Il s'agit d'un casque autonome bardé de capteurs et de caméras avec lequel l'utilisateur peut se déplacer physiquement dans un univers virtuel et se servir de ses mains pour interagir avec les objets. Donc bienvenue dans la réalité fusionnée selon Intel. Lors de l'Intel Developer Forum à San Francisco aux États-Unis, le fabricant de microprocesseurs Intel a fait la démonstration de son projet Alloy, un casque de réalité virtuelle autonome qui permet d'interagir avec l'univers dans lequel évolue son utilisateur. Le PDG d'Intel, Brian Krzanich, a présenté ce casque qui, selon lui, redéfinit complètement ce que la réalité virtuelle permet d'obtenir. En effet, Alloy propose une expérience immersive inédite grâce à la technologie de modélisation 3D Intel RealSense, qui prend notamment en compte les divers mouvements du corps. Ce casque fonctionne de manière totalement autonome, sans ordinateur ni capteur externe, de manière à pouvoir évoluer en toute liberté de mouvement. Il est cependant lui-même équipé de plusieurs caméras qui scannent l'environnement afin que l'utilisateur puisse, le cas échéant, interagir avec divers objets présents devant lui ou près de lui. Celui-ci peut ainsi monter des marches, ouvrir une porte ou bien encore soulever un verre et trinquer avec. C'est ce qu'Intel appelle la réalité fusionnée. Ce projet, qui ne débouchera pas nécessairement sur un casque commercialisé auprès du grand public, est une formidable vitrine pour les caméras Intel RealSense à courte ou longue portée qui équipent déjà certains modèles de PC hybrides. En 2017, Intel entend d'ailleurs ouvrir cet écosystème aux développeurs afin que ceux-ci puissent créer leur propre casque et ou univers personnalisé. À noter que Intel continue de travailler en étroite collaboration avec Microsoft dans les domaines de la réalité virtuelle et augmentée. La firme de Redmond aux États-Unis a déjà fait sensation avec ses lunettes HoloLens. En matière de réalité virtuelle, deux nouveaux casques sont particulièrement attendus cet automne. L'Oculus Rift, annoncé à partir du 20 septembre 2016, et le PlayStation VR à partir du 13 octobre. Les nouvelles voitures de Audi vont avoir un décompte de lumière de feu de circulation. Voilà, donc il y a quelques affaires dans la vie qui font que les conducteurs se sentent impuissants. Ils sont à la merci de la lumière rouge jusqu'à temps qu'elle accepte de changer. Jusqu'à ce que les voitures arrivent avec le voyage temporel, peut-être, pour passer le temps plus rapidement. Audi a trouvé une nouvelle façon de rendre ça, de développer donc un système d'information de lumière de coin de rue pour leur nouveau véhicule, selon Business Insider. Le timer, donc ça s'appelle le Digital Traffic Light Timer, est sur le tableau de bord de la voiture lorsque le conducteur arrive devant une lumière rouge. En utilisant les données de Traffic Technology Services, l'horloge va faire un décompte de secondes jusqu'à ce que la lumière devienne verte. Ça va disparaître avec 4 secondes de lousse pour garder les conducteurs, pour empêcher de traiter ça comme un pistolet de démarrage. Bref, dans le fond, quand tu vas arriver à la lumière rouge, il va y avoir un décompte, comme mettons, je sais pas, 60 secondes, mettons. Et à 5 secondes, ça va faire 6, 5, 4, et là, ça va arrêter le décompte, ça ne le montrera pas sur le tableau de bord pour empêcher que les gens fassent 3, 2, 1, puis le mettre le gaz au fond. On se comprend, ça? Donc, le système est un exemple récent de technologie sans fil qui change la façon qu'on conduit. Ça suffit sur l'information d'ordinateur dans des villes sélectionnées, ce qui veut dire que les résidents des petites villes ou des campagnes ne pourront pas s'en servir. Les conducteurs qui sont intéressés à l'essayer doivent s'inscrire au Audi Connect Package à partir de $25 par mois. Les gens qui ont une Audi Q7 A4 ou Allroad fabriquée après le 1er juin vont être capables d'essayer ça lorsque ça va être lancé à la fin de l'année 2016. Maintenant, retour en français pour le prochain article. Il y a trop de téléphones sur le marché. Un récent sondage de Greenpeace indique que les fabricants de téléphones produisent trop de modèles et que ces derniers deviennent trop obsolètes trop rapidement. La recherche a été menée en juillet et en août de cette année auprès de 6000 adultes aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, au Mexique, en Corée du Sud et en Chine. Dans tous les pays, les consommateurs sondés ont indiqué que les fabricants devraient tous être tenus responsables du recyclage des téléphones. Ça, je suis d'accord avec eux. Mais si on leur donnait le choix, 4 répondants sur 5 préféraient avoir un téléphone qui peut se réparer facilement s'il est brisé. Absolument, hein, c'est connu, les téléphones sont de plus en plus petits et de plus en plus collés à l'intérieur d'eux-mêmes et de plus en plus difficiles à réparer comme les ordinateurs. Les téléphones portables sont parmi les objets électroniques les plus souvent remplacés, selon Greenpeace. Un rapport de l'Université des Nations Unies présenté en 2014 indique d'ailleurs que cette année-là, 3 tonnes métriques de déchets électroniques comme les téléphones, les ordinateurs, les calculatrices ou les imprimantes ont été générées. Ces petits appareils représentent un défi environnemental dès leur conception jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse. Selon le sondage, il semble important pour 4 répondants sur 5 que le téléphone ne contienne pas de matériaux dangereux. Or, une étude indépendante de 2012 indique que tous les téléphones contiennent au moins un produit chimique dangereux, soit le plomb, le brome, le chlore, le mercure ou le cadmium. Il existe certaines options de remplacement très intéressantes, comme le Fairphone, par exemple, qui se présente comme un téléphone éthique. C'est d'ailleurs un Québécois installé à Amsterdam, Olivier Hébert, qui est responsable de la technologie derrière ce téléphone Android, qui s'assure d'utiliser des matériaux le moins toxiques possible, produits dans des conditions de travail acceptables. Ce qui distingue également le Fairphone, c'est qu'il est modulable. On peut le réparer facilement si quelque chose brise ou si on souhaite faire une mise à jour d'une composante. Cette dernière est d'ailleurs la raison la plus souvent évoquée pour le remplacement d'un appareil. On souhaite tout simplement avoir un téléphone le plus à jour possible. Si on se fie aux résultats du sondage, la réparation des téléphones est très populaire en Asie. Les Chinois à 66% et les Sud-Coréens à 64% ont déjà fait réparer leur téléphone, alors que le mouvement tarde à prendre de l'ampleur en Occident. Seulement 28% des Américains et 23% des Allemands l'ont déjà fait. Si vous souhaitez vous y mettre, il y a un reportage de La Facture de Radio-Canada qui vous donne quelques petites pistes intéressantes sur assemblagerequis.com. L'article lui-même vient aussi de Radio-Canada, un texte de Catherine Matisse. L'autonomie des smartphones sera-t-elle bientôt multipliée par 2? Un article de Futura Science cette fois-ci. Les batteries lithium-métal sont réputées pour offrir des densités énergétiques plus intéressantes que celles des batteries lithium-ion. Malheureusement, elles présentent aussi des durées de vie réduites et risquent de prendre feu. Une start-up américaine assure avoir trouvé la solution et promet une autonomie multipliée par 2. Depuis plusieurs années maintenant, les batteries ont envahi notre quotidien. Elles font l'objet de nombreux travaux de recherche et de développement visant notamment à améliorer leur autonomie. Si certains tentent d'optimiser leur performance, la performance dont des batteries lithium-ion, d'autres s'intéressent à des technologies différentes. C'est le cas, entre autres, d'une start-up américaine issue d'un essaimage de Massachusetts Institute of Technology, nos fameux amis du MIT, qui mise depuis 2012 sur la technologie lithium-métal. Aujourd'hui, Solid Energy annonce avoir trouvé des solutions aux problèmes rencontrés en la matière par ses concurrents, donc la formation de dendrite à l'origine des courts-circuits qui font une formation de composés dommageables pour la durée de vie de la batterie, etc. La startup serait en mesure de fournir, en s'appuyant sur les chaînes de production classiques des batteries lithium-ion, des batteries deux fois plus performantes. Celles-ci pourraient faire leur apparition dans des drones dès la fin de l'année 2016, dans nos téléphones intelligents en 2017 et même dans les véhicules électriques en 2018. En octobre 2015, déjà, Solid Energy Systems avait présenté un premier prototype de batterie pour smartphone, affichant une densité énergétique double de celle des batteries classiques, de quoi lui assurer une autonomie deux fois plus élevée ou envisager de produire des batteries deux fois plus petites, sans pour autant en réduire la durée de vie ou mettre en jeu la sécurité du dispositif. Le secret de cette nouvelle batterie tient essentiellement dans son anode. Fini le graphite ou même le silicium, place à une feuille de lithium extrêmement fine, environ un cinquième de l'épaisseur classique des anodes de batterie lithium-métal. Enroulée autour de la cathode, l'ensemble permet d'économiser de l'espace et d'augmenter la capacité énergétique de la batterie. De plus, quelques modifications d'ordre chimique au niveau de l'électrolyte, donc l'anode recouverte d'une fine couche d'électrolyte solide et électrolyte liquide quasi-ionique, lui évite de tomber dans les écueils habituellement associés aux batteries. Lithium métal. Pokémon Go. Serait-il déjà sur le déclin? Est-ce que c'est déjà fini la mode Pokémon Go? Après un démarrage en trombe et plus de 100 millions de téléchargements, Pokémon Go commence à s'essouffler. Selon une série de statistiques, le jeu de réalité augmentée a perdu 15 millions d'utilisateurs quotidiens en un mois. Si l'effet de mode est peut-être en train de passer, peut-être, la base installée reste encore puissante, mais il faudra sans doute que le jeu se renouvelle pour conserver son attrait. Sommes-nous donc en train d'assister à un effet soufflé autour de Pokémon Go? Lancé début juillet, le jeu pour smartphone basé sur une réalité augmentée a pris tous les observateurs de court en rencontrant un succès immédiat et fulgurant. 3 semaines après sa sortie, Pokémon Go atteignait le cap des 100 millions de téléchargements de ses applications sur Android et iOS et générait 100 millions de dollars de recettes quotidiennes à travers le système de vente intégré qui permet de faire progresser les Pikachu, Salamèche et autres noms français que je veux pas lire tellement c'est laid. Mais voilà, 3 semaines plus tard, l'engouement pour le jeu créé par Niantic Labs, ex-filiale de Google à qui on doit le jeu Ingress, a sérieusement baissé. En effet, le site Bloomberg a compulsé une série de statistiques fournies par le cabinet d'analyse Axiom Capital Management qui sont sans appel. Plusieurs indicateurs clés sont en repli. Le nombre de téléchargements tout d'abord, mais aussi le nombre d'utilisateurs actifs au quotidien, le temps passé à utiliser l'application ainsi que l'engagement, donc le ratio entre le nombre d'utilisateurs actifs par jour et le nombre d'utilisateurs actifs par mois. Entre la mi-juillet et la mi-août, le nombre d'utilisateurs quotidiens est passé de 45 à moins de 30 millions. Comment expliquer cette chute brutale? Les raisons sont vraisemblablement multiples. Des joueurs happés par l'effet de mode et qui se lassent. Des curieux qui n'accrochent pas. Ça, c'est moi. L'investissement en temps requis pour progresser, c'est aussi moi. Que l'on ne peut pas forcément maintenir sur la durée. Aussi un manque de nouveautés pour relancer l'attrait. Et les choses pourraient encore empirer avec la fin des vacances et la rentrée scolaire qui se profile et va priver bon nombre de joueurs de temps à consacrer à leur chasse. Ajoutons enfin le fait qu'il est plus plaisant de chercher des Pokémon en été qu'en hiver, évidemment. Bref, l'effet de mode passé, Niantic Labs, va devoir trouver de nouveaux ressorts pour prolonger la Pokémania. On revient sur les Jeux olympiques. Le Japon veut fabriquer les médailles avec des déchets électroniques. Les organisateurs des prochains Jeux olympiques de Tokyo en 2020 ont eu une idée des plus astucieuses pour se procurer l'or, l'argent et le bronze nécessaires à la fabrication des médailles, le recyclage des déchets électroniques dont le pays regorge. Reste à mettre en place un système de collecte efficace. Alors que les Jeux olympiques de Rio viennent juste de se terminer, hein? Prochain rendez-vous, en passant, on se posait la question hier, les Jeux paralympiques sont du 7 au 17 septembre. 7 au 17 septembre, c'est très très loin quand même, c'est deux semaines. Ouais, quasiment, ça commence un mercredi, c'est un peu bizarre. Bref, tous les regards se tournent désormais vers le Japon. Après ça, le pays du soleil levant qui accueillera les prochains Jeux d'été de 2020 est déjà à pied d'œuvre pour organiser cette grande fête du sport. Parmi les très nombreux défis pratiques à relever figure celui de fabriquer les médailles d'or, d'argent et de bronze que les athlètes victorieux arboreront fièrement à l'issue des épreuves. Un défi qui peut sembler anodin, mais qui n'en est pas moins capital. Habituellement, les organisateurs des Jeux olympiques s'adressent aux compagnies minières pour leur demander de fournir ces métaux précieux qui serviront à la fonte de ces illustres breloques. Or, le Japon est pauvre en ressources naturelles et ne peut donc pas vraiment compter sur cette source d'approvisionnement. Le pays dispose toutefois d'une richesse insoupçonnée qu'il appelle sa mine urbaine. Il s'agit des millions de petits appareils électroniques, smartphones, objets connectés, ordinateurs, baladeurs numériques, etc., dont les Japonais raffolent et qui contiennent tous ces métaux précieux. Un article du quotidien Nikkei nous apprend que, justement, les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo et le gouvernement japonais voudraient exploiter le recyclage des déchets électroniques afin de récolter l'or, l'argent et le bronze nécessaires à la fabrication des médailles. Et il y a largement de quoi faire. En effet, selon les chiffres cités, en 2014, le recyclage a permis de récupérer 143 kg d'or, 1,5 kg d'argent et 1,1 tonne de cuivre. À titre indicatif, pour les Jeux olympiques de Londres en 2012, il avait fallu 9,6 kg d'or versus 143 qu'on a pu récupérer, 1,2 kg d'argent versus 1,5 qu'on avait collecté tantôt et 700 kg de cuivre versus 1,1 tonne de cuivre qu'on avait récolté précédemment en 2014. En effet, la quantité d'or et d'argent que contiennent les déchets électroniques confèrent au Japon l'équivalent respectif de 16 et 22 % des ressources mondiales. Cependant, il y a deux problèmes. D'une part, les métaux précieux issus de recyclage de déchets électroniques sont déjà réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits. D'autre part, la collecte des petits appareils électroniques auprès des particuliers n'est pas encore assez efficace. Une loi instaurée en 2013, d'ailleurs, n'a permis de récolter que 100 000 tonnes sur les 650 000 tonnes de déchets électroniques générés chaque année. Les autorités espèrent profiter de l'effet des Jeux olympiques pour en appeler au patriotisme que les Japonais ont chevillé au corps. Des entreprises du secteur privé comme Renet Japan et Obu ont été sollicitées pour proposer des solutions de collecte simples et attrayantes et communiquer auprès des particuliers sur le thème, je cite, « Vous aussi participez à la réussite de nos Jeux ». On va refaire ça. « Vous aussi participez à la réussite de nos Jeux ». Certainement un bon moyen d'initier des réflexes vertueux qui perdureront. Une idée dont la ville de Paris pourrait peut-être s'inspirer pour sa candidature aux Jeux olympiques de 2024. Voilà. Continuons. Arrêtons. Pourquoi pas? Prenons une pause musicale, là. Il est presque rendu la prochaine demi-heure. Donc, une petite pause musicale au retour plus de CNX. Mais avançons sans entendre une pièce de Yaz qui s'appelle Pink Bubbles dans MPS, le Mathieu Plante Show. Sur Cifou 89 FM. We'll be right back. êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Alors, fallait pas manquer cette pièce-là, hein, comme diraient les Français. Can't loop this. Tu peux pas louper ça? Louper ça? Les Français disent ça, louper. Hein. All I Need, Radiohead cover, donc une pièce de Radiohead par Snoopy Goop. Avant ça, deux autres pièces, Layer Cake par Dietrich. Et avant ça, Pink Bubbles par Yaz. Un gros bloc de trois pièces parce que ça me tentait d'écouter de la musique de même dans l'émission. On était en plein milieu de CNX, donc retournons-y avec juste la petite info courte, là, parce qu'à un moment donné, on va pas perdre du temps avec une autre intro de 30 secondes. Le premier hackathon absurde à Edmonton, l'art d'inventer l'inutile. Une quinzaine d'inventeurs d'Edmonton ont participé au premier hackathon absurde en Alberta, une compétition amicale qui décerne le premier prix à l'invention la plus futile. C'est Denis Lachance, un des participants qui a travaillé toute la journée sur une application mobile, soit un clone du réseau social Instagram. Pour le faire, il utilisait un vieux magnétophone de 1969 pour sauvegarder les images qu'il enverrait ensuite sur un ordinateur. De leur côté, Grant Hunter et ses amis ont créé un circuit électrique qui permettra de transposer dans la réalité le poke de Facebook. Oui, ça existe encore. Qui sert à attirer l'attention d'une personne ou encore juste à lui dire que tu veux coucher avec. Le jeune homme estime que cet événement est une occasion de travailler sur des projets qui l'intéressent sans ressentir pour autant la pression de devoir construire quelque chose d'utile. J'avoue. Selon l'organisateur du hackathon, Tammy Lee, le fait de travailler sur des concepts absurdes peut aussi mener à de bonnes idées. Je cite, « Des idées apparemment idiotes peuvent t'amener à développer des aptitudes et conduire à des résultats pas si stupides au final. » Quant à David Tonley, il souhaitait maximiser l'utilisation de sa vaisselle. Il a créé un bol qui lui servira en même temps de tasse. Je cite, « Si on travaillait sur tous nos projets apparemment inutiles, on pourrait vraiment trouver de bonnes idées et un projet qui fonctionne au bout du compte. » Le hackathon absurde est un type d'événement qui gagne en popularité aux États-Unis, mais qui est encore nouveau au Canada. C'est un texte de Radio-Canada. On a parlé un petit peu de ça hier à Assemblage Requis dans la chronique Une grosse pointe en dresse. C'est McDonald's qui rappelle 32 millions de bracelets connectés provoquant des irritations de la peau. Offert à l'achat d'un repas pour enfants aux États-Unis et au Canada, les bracelets Pas à Pas, en français, ou Step It en anglais, auraient déjà... Pas à Pas. P-A-Z-A-P-A-S, c'est ridicule. Auraient déjà été la cause de plus de 70 incidents. Ce sont des commentaires mitigés avec lesquels la chaîne de restauration rapide a eu à composer pour la distribution de bracelets connectés un peu plus tôt ce mois-ci dans les repas Joyeux Festin, qui en passant s'appelle en France, parce que les Français sont drôles, les Happy Meal. Les Happy Meal. Alors que certains parents ont reconnu dans l'initiative une façon d'encourager les enfants à être plus actifs, d'autres ont invité plutôt l'entreprise à se concentrer sur les valeurs nutritionnelles de ses aliments. Mais voilà, comme le rapporte VentureBeat, McDonald's aurait volontairement cessé la distribution des bracelets Pas à Pas dans ses succursales une semaine après leur mise en marché. Je cite, « Nous avons pris cette mesure rapide et volontaire après avoir reçu un nombre de témoignages limités d'irritations cutanées potentielles pouvant avoir été causées par le bracelet. » De son côté, Mashable note que derrière l'appareil, on peut y lire la mention « Made for McDonald's 2016 Chine ». Bien qu'il soit commun d'associer mauvaise conception avec produits de base qualité fabriqués en Chine, hein? Il semble plus probable que ce soit le relief des lettres de ce message qui soit la source du problème. Bref, si votre enfant s'est ramassé avec ce bracelet récemment, McDonald's vous invite à le remplacer contre un autre jouet en plus d'un yogourt ou de tranches de pommes la prochaine fois que vous visiterez son restaurant. Microsoft veut vous payer pour abandonner Google. Microsoft veut vraiment que vous adoptiez Edge, Bing et ses autres produits et services à un point tel que l'entreprise est prête, à vous récompenser en échange de votre fidélité. Edge a beau être à des années-lumière d'Internet Explorer en termes de qualité, Microsoft est manifestement impatiente de le voir rafler les parts de marché à Chrome, le navigateur de Google actuellement utilisé par 58,26% des internautes. C'est du moins ce que laisse croire la refonte du programme Bing Rewards, maintenant nommé Microsoft Rewards. En fait, tout ce qui s'appelle Bing a été renommé. Juste Bing Pulse, c'est devenu Microsoft Pulse, mais tu sais, c'est comme Messenger qui était Microsoft Live Messenger, c'est devenu Live Messenger, c'est rendu Windows Hotmail Live Messenger, Hotmail c'est Windows Hotmail Live Hotmail. Ils savent vraiment pas quoi faire Microsoft depuis des décennies. Bref, comme son nom l'indique, il s'agit d'un programme de récompense. Concrètement, plus vous utilisez les produits et services de Microsoft, plus vous serez récompensé par des points vous permettant de profiter, vous l'aurez deviné, de réductions sur les produits du Microsoft Store, mais aussi chez Amazon et Starbucks. Microsoft surveillera ainsi le degré d'utilisation d'une personne inscrite au programme. Si elle laisse tomber Chrome pour Edge, des points Microsoft lui seront versés pour chaque heure d'utilisation jusqu'à concurrence de 30 heures. Attention, il ne s'agit pas simplement ici de laisser le navigateur ouvert en arrière-plan. Microsoft tiendra compte des mouvements et clics de sa souris, des gestes de ses doigts sur mobile et des pressions des touches sur son clavier. Si elle regarde passivement une vidéo en plein écran, cette activité comptera aussi comme une utilisation active de Edge, et tout ça à condition d'avoir bien sûr choisi Bing comme moteur de recherche par défaut. D'ailleurs, l'activité sur Bing sera aussi récompensée, exactement comme elle était sous l'ancien programme. Pour deux recherches effectuées sur Bing, 10 points Microsoft pourront être accumulés, jusqu'à concurrence de 30 recherches par jour sur PC et 20 sur mobile. Les deux comportements sont cumulatifs. Enfin, lorsque cette personne effectuera des achats dans le Microsoft Store ou le Windows Store, Elle sera ainsi donc récompensée par des points Microsoft pour chaque dollar dépensé. Il est important aussi de distinguer ce nouveau programme de Xbox Rewards. Il semble que les crédits octroyés par l'un ou l'autre ne vont pas dans le même portefeuille. Oh, ça, c'est ridicule. Il aurait pu faire quelque chose avec ça, hein, pour vrai. Alors, êtes-vous prêt à rejoindre le programme Microsoft Rewards, nous demande l'article de branchezvous.com. Inutile de répondre à la question. L'offre n'est valide que pour les gens aux États-Unis pour l'instant. Reste à voir si ça va venir au Canada un jour. Le lectorat canadien dans la ligne de mire du New York Times. Le journal The New York Times souhaite prendre de l'expansion au Canada. La vice-présidente aux communications du quotidien a affirmé par courriel que The New York Times évalue comment étendre sa portée jusqu'au lectorat canadien et australien au cours des prochains mois. Daniel Rhodes, indique que le journal a envoyé des représentants dans ces deux pays pour y recruter des journalistes, de même que pour préparer la mise sur pied de salles de nouvelles locales. The New York Times refuse de fournir plus de détails pour l'instant. Le quotidien a déjà un correspondant d'ailleurs au Canada qui s'appelle Ian Austin. En février dernier, le journal a lancé une édition numérique en espagnol qui s'appelle The New York Times in Espagnol, et qui est appuyée d'une équipe de journalistes de Mexico. Cette annonce survient après que la BBC ait annoncé plus tôt cet été l'ouverture d'un bureau à Toronto et le lancement d'une version canadienne de son site de nouvelles. Et pour terminer, c'est tout? C'est tout? Wow! Déjà, terminé. Allons-y avec le palmarès des jeux les plus loués dans les clubs vidéo. En 10e place, Battlefield 4 sur PS4, Witcher 3 The Wild Hunt. The Witcher 3 Wild Hunt, oui, est en position numéro 9 sur Xbox One. En 8e, c'est Pokémon Alpha Sapphire sur la 3DS. En 7e, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur la PS4. En 6e, Tom Clancy's Rainbow Six Siege sur la Xbox One. En 5e, The Witcher 3 Wild Hunt sur PS4. En 4e, Grand Theft Auto 5 sur PS4. En 3e, F1 2016 sur Xbox One. En 2e, F1 2016 sur PlayStation 4. Et en première, c'est No Man's Sky sur la PlayStation 4. Je suis surpris de ne pas voir Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, comme je crois que c'est la semaine passée. Il y avait aussi beaucoup de Pokémon, il y en a juste un. Donc vraiment, la mode Pokémon est en chute libre et les Jeux Olympiques, c'est fini. C'est ce que ça veut dire. Tiens, pourquoi ne pas y aller avec... on n'a pas fait ça depuis un bon bout, mais on va le faire rapidement, comme en surface. C'est des jeux qui s'en viennent bientôt en club vidéo. Donc, des nouveautés. Super Dungeon Brothers s'en vient sur plusieurs consoles le 30 août prochain. C'est un jeu d'action. XCOM 2 sur plusieurs consoles s'en vient le 6 septembre. C'est un jeu de stratégie. Elder Scrolls Online Gold Edition s'en vient le 9 septembre. C'est un jeu d'aventure. Recore sur Xbox One le 13 septembre. Un jeu d'aventure. NHL 17 sur plusieurs consoles 13 septembre, pardon, sport, évidemment. Bioshock The Collection s'en vient sur plusieurs consoles le 13 septembre. C'est un jeu de tir. NBA 2017 sur plusieurs consoles s'en vient le 16 septembre. C'est un jeu de sport. Destiny The Collection s'en vient sur plusieurs consoles le 20 septembre. C'est un jeu de tir. Sonic Boom Fire and Ice s'en vient sur la 3DS le 27 septembre. C'est un jeu d'aventure. Et finalement, Forza Horizon 3 s'en vient sur la Xbox One le 27 septembre. Et c'est un jeu de course. Voilà pour les nouveautés en club vidéo et le palmarès des jeux les plus loués. On retourne en chiptune pour l'entendre une pièce de Noé Mike que j'ai toujours de la misère à prononcer. Est-ce que c'est Noé Mike? Je sais pas. Voici la pièce. C'est Lamsoon M. Voilà. Tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Thank you. C'était Aid Syndicate avec Ghouls and Ghosts Steam, un cover de la chanson thème de Ghouls and Ghosts par Tim Follin, arrangé pour le Sega Genesis Mega Drive sur 4 soirs de 21h à 4h du matin. C'est détaillé quand même. Avant ça, on a entendu Lamson M par Noé Mike. Lamson qui est une ville dans les montagnes. Et apparemment un endroit où se passent beaucoup d'opérations criminelles, dit-il. Moi j'ai envie, étant donné qu'il reste seulement une dizaine de minutes, pas de temps pour commencer une nouvelle chronique. Et de toute façon, il n'y a pas de site fait à Kadeshon aujourd'hui, donc allons-y avec une autre pièce. Une autre pièce de Venom que j'aime beaucoup, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voici une deuxième pièce de sa part qui s'appelle Max Remus. C'est tout de suite MPS, le Mathieu Planchon. We'll be right back. la pièce titre de l'album Spectra. Son album, en passant, est disponible sur Bandcamp et c'est une fille, Chibzel. Donc, encouragez-la sur l'adresse chibzelmusic.bandcamp.com. Avant ça, on a entendu Max Remus de Venom. Et c'est là-dessus que se termine le Mathieu Ponce Show de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 15h à 17h. En rappel, les jeudis à midi et les mardis à 10h. On va être de retour dans, dans notre case horaire de rediffusion le jeudi à midi. Tout va bien. Non, c'est pas, c'est Assemblage Requis qui avait changé de place, oui, c'est ça. Donc, Assemblage Requis, mardi, 14h à 17h. Je vous retrouve aussi la plupart des soirs à la mise en onde du Baseball des Aigles. Il y a un match plus tard ce soir pour les auditeurs du mercredi. Consultez la programmation complète sur CIF.ca, retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'est Mathieu Plante. Vous avez été planté et on se quitte avec le band de notre chanson thème, Anna Maneguchi, mais refait à l'accordéon. Voilà. C'est pas génial, ça. À la semaine prochaine, bye.